Alma One Beat 2014 8849. Je me présente Pierre, 21 balles et fan de musique. Mon rêve, faire des scènes, péter les scores comme les Fugees. Je veux que t'écoutes mon son et que t'aies le sourire. Oublie tes problèmes, laisse de côté les soupirs. Cette track est là pour te faire kiffer. Que tu te kiffes ou pas, prends le temps d'écouter ce titre. C'est cette part de moi que j'aime tant. Tu sais ce moment où dès le matin tu te sens bien dans tes vêtements. La tête dans ma bulle. Ouais, je suis ce mec dans la lune. Mais je garde les pieds sur terre, je te rassure, y'a peu de haine dans ma plume, gros. À part envers moi-même, donc j'écris et quand je rappe, mes versets ça m'aide, ça me relâche. Ma salle de sport, c'est le studio. Y'a que pour Logic Pro ou Ableton que je serai studieux. J'étudie cinématographie à l'INRACI. Mais tout ce que je veux, c'est foutre le feu quand les buts rappliquent. Une petite vie d'artiste, de quoi me louer un petit appart. Je ferai pas l'objet d'un grand film à Cannes à l'avenir. Je veux que mes projets se concrétisent, qu'on évite de dire que Pete, c'est ce mec qui fonce des dents. J'ai mille autres plans pour moi. Ma team et mon entourage, genre partir en tournée, faire les 100 couches graille. Trop de prod, j'suis un grand louche taf pour être top. Pote, j'te salame si t'es dans le coup. Si toi aussi la musique t'aide à t'évader, comme Dufresne, tu rêves de finir ta vie sur une plage du Mexique à te prélasser. Pas de paix, ta santé glacée, un petit pétard, puis tu finis avec madame en tête à tête. J'ferais bien le tour du monde en Vespa, j'aime ça, sac à dos à l'arrache, à la Arcana, c'est l'extase. Dédicace à Lampo et qui est l'homme des bois, puis à Woodhouse, en Pérou, estaba colossal. T'as vu, j'rappe même en espagnol. C'est chaud, mais y'a pas de Gestapo dans mon testament, juste de belles phases. L'histoire d'un mec mal coiffé qui ne rêve que de faire carrière dans le rap. Comme Nas, Paquet, B.I.G. J'me posais, j'ai flippé ma weed, j'oublie de manger. Car dans mes écouteurs, y'a trop de vitamines. Ouais, j'aime écrire ma mail, ça me plaît. Le projet vient de sortir, le nom c'est 8849 mètres. Le nom c'est 8849 mètres.